D'après le journal d'internet sud-coréen Minzokilbon, le 29 avril, il y a eu une conférence contre la présidente sud-coréenne, causant la confrontation nord-sud et la tension, devant l'ambassade américaine à Séoul, sous les auspices de la solidarité coréenne pour la réunification indépendante et la démocratie de Corée du Sud.